Ici Pascal Cloutier, maire. La période des fêtes est le moment propice pour vivre de doux moments avec ceux qu'on aime et aller vers l'autre généreusement. Je vous encourage aussi à faire vos achats localement pour supporter votre collectivité et son économie. Les membres du conseil municipal de Dolbeau-Mistassini se joignent à moi pour vous souhaiter joyeux Noël et une bonne année 2018. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 Boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 418-679-3339. Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 Boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 418-679-3339. Ici Martial Bouchard, président du club de golf Lac-Saint-Jean. Il me fait plaisir, au nom de mes collègues du conseil d'administration et de tous les membres du personnel, de vous souhaiter une magnifique période des fêtes et une année 2018 remplie de santé et de succès. Profitez de ce début d'année pour ajouter une nouvelle saine habitude de vie à celle que vous avez déjà. On va parler de la Ligue canadienne de football déjà, puisque hier, c'était les Alouettes de Montréal ont annoncé que leur personnel d'entraîneur qui vont seconder Mike Sherman à la barre des Alouettes l'été prochain. Et on va parler avec Pascal Masson. Salut Pascal! Salut Dan! Pascal, d'abord, je dois te souhaiter une bonne année. Je te l'avais souhaité pour la revue de l'année, mais là, on est plus en direct maintenant. Tu passes une belle période des fêtes? Oui, très bien, on s'est reposé, ça fait du bien. OK. Pascal, déjà, on va parler avec Mike Sherman. La fois qu'on s'est parlé, la nouvelle venait juste de sortir, t'étais très mitigé, moi aussi. Par contre, tes chums à RDS sont vraiment enthousiastes, Bruno Eppel, Pierre Vercheval. Mais moi, j'ai pas changé d'idée, je me dis, si c'est si bon que ça, qu'est-ce qu'il faisait dans la high school? Tu sais, il est allé à Texas A&M, ça a été coup-ci, coup-ça. Il est allé par la suite plus ou moins un échec au niveau high school aussi. Donc, comment tu vois ça? Ben, écoute, moi, je pense que, comme on s'était parlé il y a plusieurs semaines lorsque les Alouettes ont fait l'embauche de Mike Sherman, c'est sûr que si on regarde les dernières années de Mike Sherman, ça n'a pas été nécessairement un succès. Cependant, moi, je pense qu'il amène une expertise, une expérience importante aux Alouettes. On met quelqu'un qui a l'expérience d'entraîneur-chef et également l'expérience de directeur général. Donc, puis au niveau NFL. Donc, ça. Mais ça veut rien dire. C'est sûr que tu vas me dire. Ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose lorsque ton directeur général n'a pas beaucoup d'expérience. Ouais. Tu ne te laisseras pas nécessairement marcher sur les pieds parce que c'est le style de Cavis Reed. Donc, ça, pour moi, c'était important. C'était le point le plus important de cette embauche-là. Moi, ce que j'avais peur, c'est qu'on embauche un jeune coach prometteur dans la Ligue canadienne qui allait devenir la marionnette un peu de Cavis Reed. Mais je pense pas que Mike Sherman sera cette personne-là. Ce qui m'encourage, par contre, puis c'était là où j'étais beaucoup mitigé, c'est comment il va s'entourer, Mike Sherman. Ça va être quoi? Est-ce que c'est lui qui a pris toutes les décisions? J'ai l'impression que non, là. Ouais. Mais comment qu'on va l'entourer? Quelle personne qu'on va mettre avec lui? Et puis, j'aime le mix qu'on est allé chercher. Là. Mix de vétérans, de jeunes aussi. Kerry Jones, moi, je l'ai connu comme carrière avec les Bombers de Winnipeg. Il était coordonnateur offensif, donc c'est un gars qui connaît très bien les Canadiens de football également. Tout à fait. Kelly Carter, ça, c'est un ancien des Alouettes comme coordonnateur défensif. Mickey Donovan comme coordonnateur d'unité spéciale. Puis Rich Tobler, conseiller spécial au coordinateur défensif. Stu Bush, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Exactement, c'est ça. On est allé chercher un vieux de la vieille. Puis, tu sais, on avait parlé du Stu Bush qui allait peut-être être un des coordonnateurs. Peut-être, tu sais, il était dans la course dans certains postes. Moi, je me disais, faut pas donner à cet homme-là un rôle trop important, dans le sens, faut pas qu'on reprenne les vieilles potions magiques d'antan pour essayer de faire revivre une bonne défensive ou quelque chose comme ça. Sauf que là, d'aller chercher ce gars-là comme un mentor auprès de l'équipe, je pense que c'est un bon move de la part des Alouettes. C'est une personne qui a beaucoup de respect dans la ligue et qui va être en mesure de coacher un coordinateur défensif comme Carter, qui est un jeune. Moi, c'est le fun parce que j'ai eu la chance de jouer avec Kerry Jones puis Carter dans les Canadiennes. Donc, c'est deux personnes que je connais comme joueur. Je les connais pas comme entraîneur, mais je sais qu'ils ont quand même fait de belles choses comme entraîneur. Et là, on va chercher ces deux coachs-là, ces deux coordinateurs-là, avec beaucoup d'attitude, beaucoup de fougue, de dynamisme. Donc ça va être intéressant. Tout ça encadré par un homme comme Stu Bush, puis Mike Sherman à travers ça. Donc, je trouve qu'on a une belle... on a de quoi qui est en train de se créer d'intéressant du côté des Alouettes. OK. Je suis déçu un peu qu'André soit... André Bolduc, me semble, qu'il aurait eu sa... Il aurait pu avoir son chance comme coordinateur à l'attaque. Non? Ben, tu sais, ça, je veux dire, André n'a jamais été coordinateur à l'attaque au niveau canadien. Les autres non plus. On peut pas savoir quel genre de système qu'il aurait préconisé, ça serait quoi son genre. Donc, c'est difficile d'anticiper quoi que ce soit. D'un autre côté, est-ce qu'il était intéressé par ça non plus? On le sait pas. Ouais. Mais effectivement, tu sais, Anthony Carvillo, André Bolduc. Tout le monde a été tassé, là. On va en parler, d'ailleurs, de Carvillo tantôt. Pascal, je veux te... par contre, Kerry Jones, le fait qu'il était un carrière, ça t'aide aussi à devenir un bon coordonnateur à l'attaque. Alors, je te parle en général. Carvillo, ça n'a pas été le cas. Là. C'est plus qu'un quart de l'histoire des Canadiennes. Puis, évidemment, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, en général, ça aide beaucoup. Hein. Ben c'est sûr que... lorsque tu es un carrière, tu as les connaissances autant au niveau de la protection du jeu au sol que du côté aérien. Donc, tu connais, tu dois connaître toutes les parties du cahier de jeu. Donc, c'est sûr que ça l'aide. Et si tu es un carrière qui a joué avec quelques coordonnateurs aussi, ça aussi, ça peut t'aider de pas toujours avoir eu le même coordonnateur, donc d'avoir vu plusieurs sortes de systèmes, plusieurs façons de faire. Donc ça peut aider un entraîneur là, à un joueur qui devient entraîneur à être plus performant. OK. Calvillo, on va en parler de Calvillo. Je pense que quelque part, est-ce que je me trompe en disant que ce gars-là, c'est un échec comme coordonnateur? Ben moi je pense que c'est tout simplement que Carvillo son cheminement comme entraîneur a mal été encadré préparé, à Montréal. Peut-être mal préparé aussi. Préparé, tu sais, je pense qu'il aurait fallu que ce comme coach qui devienne un coach de carrière seulement en partant, hein, qui soit avec un coordonnateur offensif qui est en mesure de le prendre sous son aile et de le former et que tranquillement ait de plus en plus de tâches. Comme coordinateur à l'attaque, honnêtement, Pascal, t'es entraîneur, mais c'est un peu le même principe, là. Ça semblait aller vite pour lui, hein. On le voyait souvent, là, consulter ses feuilles, puis, hein. Mais c'est que moi, je trouve que il a été garoché là-dedans. Parce qu'il s'appelait Anthony Calvillo? Exactement. Je suis persuadé, tu sais, que tu as la... Comme... puis tu sais, aussi, les Alouettes, quand ils l'ont mis, c'était pas comme s'il y avait 1000 options, là, tu sais. Il a surtout pas été en mesure d'avoir une ligne directrice dans son plan de match. Moi, c'est ça que j'ai remarqué chez Anthony Carvillo. Et j'ai l'impression qu'il a coaché comme si lui était le carrière. Ouais. Et puis, les bons coachs vont s'ajuster aux joueurs qu'ils ont. Tu sais, moi, si je suis un coach offensif, puis j'adore le style de jeu au sol, le inside zone, tu sais, ben ça te prend une ligne à l'attaque qui est en mesure de te donner ce genre de situation-là. Si tu n'as pas ça, ben il faut que tu trouves une façon de les mettre en position avantageuse. Et puis, c'est là que j'ai trouvé que Carvillo, peut-être comme carrière super intelligent, qui est en mesure d'avoir plusieurs options, n'a pas été en mesure d'ajuster un carrière qui, lui, n'est pas en mesure de jouer ce genre de match, de game-là, tu sais, puis... C'est la spéculation. C'était plus une question d'être meneur, parce que cette difficulté de meneur d'homme, parce que, tu sais, je prends l'exemple de Wayne Gretzky, qui était probablement l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue nationale avec Mario Lemieux. On l'a mis comme entraîneur, c'était un désastre. Maurice Richard n'a jamais été capable de diriger, d'être entraîneur. Donc, tu sais, quelque part, c'est pas parce que t'es un bon joueur que t'es un bon coach, hein? Oui, c'est exactement. Puis je regarde ça, là, dans les carrières, t'as jamais vu de grands carrières. Tu sais, les Joe Montana, Terry Bradshaw, du côté américain, ils ont jamais été de coordonnateur à l'attaque ni entraîneur-chef, hein? Puis tu sais, il faut comprendre aussi. Ouais. Que la vocation d'entraîneur, là, c'est une profession qui est très exigeante, qui demande beaucoup de temps, beaucoup de temps à ta famille, beaucoup d'efforts. Donc, un carrière, surtout au niveau NFL, qui a gagné des millions puis des millions de dollars, je suis pas sûr qu'il veut aller se retrouver comme entraîneur quand il peut être analyste ou juste faire des conférences... Dans des écoles ou dans des industries. Donc, tu sais, la profession d'être entraîneur, là, c'est particulier et c'est très intense. Donc, c'est pas tout le monde qui est apte à vouloir faire ça. Effectivement. Là, tu vois où, Carvillo? Là, on parle de l'universitaire. Je suis pas sûr qu'il est au niveau universitaire qui est prêt. Est-ce que tu le vois... Moi, je le vois, c'est drôle, hein, comme ambassadeur des Alouettes. C'est sûr que c'est difficile. Tu peux pas être plus ambassadeur. Le meilleur ambassadeur, c'est la victoire. Puis j'aimerais ça. J'aimerais savoir les chiffres de cette saison. Là, mais tu là, vois où? J'ai l'impression, moi, qu'Arvio n'est pas nécessairement amoureux des Alouettes en ce moment, là, parce qu'on s'entend que. T'sais, oui, il a pas performé, mais on l'a quand même mis dans des situations difficiles. On lui a donné un poste, on lui a enlevé, on l'a remis là, on le tasse. Je comprends pourquoi tu le vois comme ambassadeur, mais je suis pas certain que Carvillo s'est tenté d'être un ambassadeur des Alouettes en ce moment. Ouais. Par contre, tu sais, je parlais de la profession d'entraîneur. Je crois que Carvillo, lui, a cette volonté-là d'être un entraîneur de carrière. Okay. Donc, si il a cette volonté-là, moi, je crois qu'il doit peut-être prendre un ou deux pas de recul pour regarder, essayer de voir la forêt au complet et non l'arbre juste devant son nez, là. Ouais. De voir un peu toute la big picture de qu'est-ce qu'il veut, comment il veut devenir, aller se mettre les pieds à quelque part, qui peut prendre de l'expérience du galon, peut-être juste au niveau de la gestion d'une unité. Parce que être un carrière, un leader, quand t'es un bon joueur, c'est facile de prendre l'équipe puis que d'être le capitaine. Sauf que quand t'es le coordonnateur offensif, c'est une gestion tout autre que t'as. Parce que t'es le boss. T'es pas à égalité avec les joueurs. Quand t'es carrière, t'es à égalité. T'es un joueur comme les autres joueurs, sauf que tu performes bien. T'es un leader, t'es un capitaine. Quand t'es un entraîneur, c'est pas la même gestion. Donc c'est peut-être cette expérience-là qui lui manque puis qui doit aller chercher chez quelqu'un d'autres que genre Jacques Chapdelaine, qui n'a pas été en mesure clairement de bien l'encadrer. Je pense que Jacques, c'est quelqu'un qui est plus apprendre ses choses par lui-même, puis c'est lui le boss, puis suivez le bateau, tu sais. Je pense qu'avec Danny Machocha, avec les carabins, il pourrait quand même avoir une bonne possibilité, quelque part, là. Écoute, ça serait tout qu'un coup de la part des carabins s'il réussissait à mettre la main sur Anthony Calvillo, ça, c'est sûr. OK. Pascal, si tu veux permettre, il me reste un point, on va faire une pause, il me reste des publicités du temps des fêtes et je te reviens dans quelques instants. On va parler des carrières actuellement sur le marché des autonomes. Il y a eu une transaction hier, puis lui, je le voyais à Montréal. Donc, vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Pascal Masson sur les ondes de danazosport.com. Le propriétaire du restaurant Subway de Delbaume-Cessy, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Delbaume-Cessy, au numéro de téléphone 88-276. BR Métal et ses quatre divisions. Mobilier public, BR Industrie, Aluco, BR Peinture Industrielle, désire souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Le groupe BR Métal est un employeur important dans le milieu, puisqu'il génère presque 40 emplois et ne cesse de grandir. Le groupe BR Métal est situé au 353 Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 88. Direction du club de golf de Chibougamau, Chaparral, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici Sandrine Lamontagne. La plus heureuse période des fêtes. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Delbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Delbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. On est de retour avec Pascal Masson. Pascal, hier, il y a eu une transaction, puis c'était lui que je voyais comme carrière à Montréal, Zach Collaros. Il a été échangé hier aux Rough Riders de la Saskatchewan, ce qui donne encore plus de possibilités de voir Johnny Menzel, qui finalement qui a eu son hockey pour jouer dans les Canadiennes. J'ai l'impression, moi, que... Avant de parler du cas Menzel, je veux revenir sur les Alouettes. J'ai l'impression que, écoute, là, pendant qu'on parlait de Calvillo, je suis allé sur le site de lcf.ca où on regardait les cas hier. Puis, il n'y a pas grand-chose sur le marché des joueurs autonomes. Tu sais, Travis Lulay, c'est pas mieux que Damon Duran. Hein? Puis, non, Thomas Shields qui est là. Tu sais, j'ai l'impression qu'on va commencer. On n'aura pas le choix parce que à l'instant de la Ligue de la NFL, il n'y a pas grand profondeur du côté des carrières. Il n'y a pas un jeune, là. Tu sais, un genre de Travis Harris qui pousse en arrière, là, puis que lui, il attend sa chance. Le seul que je pouvais voir, c'est Calaros, puis lui a été échangé hier. J'ai l'impression que ça va être Darren Duran et Matt Shields. Écoute, je suis tout autant déçu que toi par rapport à l'échange de Calaros. Ouais. Effectivement, j'aurais aimé ça que les Alouettes fassent un move là-dessus. On avait un carrière qui, justement, là, on le savait que les Tiger Cats voulaient s'en départir. On l'a échangé pour un choix de deuxième ronde, ce qui est quand même... Bon, tu sais, je pense que les grands gagnants là-dedans, c'est les Tiger Cats, là. Ouais. Oui, parce que c'est un repêchage. Des Calaros, il y en a masse. Perdant, c'est des joueurs canadiens, c'est tellement important qu'on le dit assez souvent. Oui, c'est ça. Puis le grand perdant dans tout ça, c'est notre bon vieil ami Kevin Glenn, ouais. Qui, lui, encore une fois, va faire tout qu'un travail pour les Rough Riders, puis qui se fait relâcher aujourd'hui. J'ai l'impression que lui va virer comme coordonnateur également. Ça va être un coordonnateur éventuellement. Ça va devenir un entraîneur. Parce que je pense qu'il... Ça va être intéressant à voir, mais tu as effectivement raison de dire que il n'y a pas grand-chose au niveau... joueurs autonomes. Au niveau des joueurs autonomes. Ça prend un jeune corps arrière. Et Maudine, je ne sais pas... Je sais pas, il est où ça, mais il va falloir que, il va falloir qu'on en trouve un. Il y en a plein, mais c'est de le trouver puis d'être patient avec. C'est ça que c'est ça la clé. Est-ce que c'est Mathieu, on le sait pas, mais j'ai l'impression qu'on va commencer l'année avec des Indians. Je veux te parler de Johnny Manziel. Tu sais, de toute évidence, il s'en vient à Hamilton, c'est eux qui ont les droits. Johnny Football, ça fait 3 ans qu'il n'a pas joué au football. Mm-hmm. Moi, j'ai l'impression que ça va être un autre cas à la Vinition. Ça va être drôle. La différence entre lui et Vince Young, c'est l'âge, là, en partant. Ouais, mais c'est parce qu'à quelque part, il y a 3 ans que tu n'as pas joué au football. Oui, mais Vince Young était vieux. Il était plus vieux. Donc, c'est difficile quand tu es un carrière mobile puis que tu commences à prendre de l'âge. De revenir après un temps comme ça, puis d'être en mesure de revenir, puis jouer, puis performer avec la couleur que tu avais. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es un carrière mobile, ben plus tu vieillis, plus ça devient difficile. Un gars comme, je sais pas moi, Peyton Manning, Tom Brady, tu sais, ces joueurs-là sont en mesure de rester dans leur pochette protectrice. C'est pas des gars qui veulent nécessairement courir parce qu'ils ont fait leur marque comme ça. Donc, du côté de Johnny Manziel, tout dépendamment à comment il va arriver en forme physique, il est encore jeune, il est encore très jeune même. Je pense que c'est une belle situation pour lui, de ce qu'on a lu, qu'il semble vraiment vouloir reprendre le droit chemin, se donner une chance. On le sait, quand un carrière américain vient du côté de la Ligue canadienne... Ah, ils se sont tous plantés, puis c'est ça qui est amusant. Mais c'est toujours ça que j'ai trouvé ça amusant. Ouais. Mais, sais-tu quoi? Moi, Johnny Manziel, c'est, je le vois bien plus intéressant que Vince Young qu'on a vu. Il n'est pas en fin de carrière, là, Johnny Manziel. Il est encore en début de carrière. Donc, ça peut vraiment être un tremplin pour lui. Donc, si c'est ça son objectif, il faut qu'il arrive en forme, puis il faut qu'il performe également. Donc, Est-ce qu'un G3 pourrait être une solution aussi pour les... On parlait de carrière. RG3 aussi, là. RG3, il n'a pas la même situation que Manziel. RG3, il a refusé quelques contrats NFL cette année. OK. Donc, s'il les a refusés, c'est probablement parce que, monétairement parlant, c'était pas bon. Et comme Colin Kaepernick, oubliez ça à Montréal aussi, ça met à faire. Là. Kaepernick... Non, Kaepernick, oublie ça. Ouais. Kaepernick, c'est sûr et certain que tu verras jamais ça au niveau canadien. Là. Ouais. Mais RG3, s'il refuse un contrat... NFL, c'est à cause de l'argent. Ouais, donc, on s'entend qu'il n'y aura pas cet argent-là au Canada. Contrairement à Johnny Manziel, qui, lui, n'a pas eu d'offre de contrat NFL, c'est pour ça qu'il vient dans la CFL, pour pouvoir se faire valoir. Mm. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même un petit côté positif face à son arrivée. Là. Ouais, ça va être amusant, mais c'est quoi. Ça va être intéressant. C'est tout bon le marketing, ça, de voir ça. Bien, c'est bon pour le marketing, mais c'est seulement bon vraiment pour le marketing s'il réussit à passer à travers le camp d'entraînement et à être habillé au match de saison et à être partant. Tu sais, Vince Young, on dit, mettons, c'est bon pour le marketing, ça a fait couler de l'encre, mais ça n'a pas été bon plus pour la CFL, parce qu'ils n'ont pas vendu de gilet de Vince Young. Ça fait parler quand même sur ESPN. Ça fait parler, mais si on veut vraiment avoir un impact au niveau marketing, il faut que le gars passe à travers toutes les étapes, comme les autres joueurs. Puis il n'y a pas un coach qui est prêt à prendre des risques parce que c'est Johnny Football ou parce que c'est n'importe quel joueur toute vedette qui arrive de la NFL. Mm. Parce que c'est quand même leur poste, c'est leur gagne-pain, tu sais. Ouais. Donc, il n'y a personne qui prendrait de chance de même. Là. Ben Pascal, on va te souhaiter une bonne année, puis on se reparle pendant l'ouverture du marché des joueurs autonomes de la CFL en février. Ouais, puis on va espérer, c'est quoi, que les Alouettes fassent une transaction importante pour aller chercher un corps Ça me surprendrait, mais ça serait ma demande de résolution des alouettes. C'est une denrée rare. C'est une denrée très rare. Il y en a très, très peu. Il y en a peu, puis ils veulent pas sentir. Je comprends bien. Les équipes qui en ont, ils veulent pas le laisser aller. T'sais. Non, c'était Zach Calaro aussi hier qui était probablement le joueur le plus intéressant. On s'en parle, Pascal, bientôt. Parfait, merci, Dan. Pascal Masson.